Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te répondre à une question. Peut-on investir sans CDI? Si ça va te proposer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre la team Esprit Gagnant. Donc là, on va voir une question qui revient assez souvent. Mystique, peut-on investir sans CDI? Alors, je t'arrête tout de suite. Il y a deux mondes. C'est parce qu'en fait, le CDI, c'est quoi derrière? C'est pour la banque avoir des revenus réguliers qui tombent tous les mois. OK? Donc la question derrière investir sans CDI, c'est si jamais tu es au RSA, si jamais tu n'as aucun revenu, non, tu ne peux pas investir. En tout cas, oui, tu peux peut-être. Il y en a qui vont te dire que tu peux. OK, tu fais des bidouilles. Maintenant, moi, je te conseille de ne pas investir tant que ta situation n'est pas relativement stable. Ensuite, investir sans CDI, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Parce que la banque, ce qu'elle veut, c'est limiter le risque quand elle va te prêter de l'argent. Donc, pour limiter ce risque, elle veut s'assurer que toi, tu aies des entrées d'argent tous les mois qui vont te permettre de rembourser la mensualité tous les mois, tout simplement. Même si le locataire, à un moment, fait défaut de paiement. Donc, avoir un CDI, c'est le mieux. Maintenant, si tu es en intérim, mais que tu peux justifier que depuis 5 ans, en fait, parce que ton dada, c'est de faire de l'intérim, parce que tu ne veux pas avoir la stabilité d'un CDI, et tu préfères aller voir plein de sociétés différentes pour diverses raisons, parce que c'est mieux payé, parce que ceci, parce que cela, mais que tu peux le justifier dans ton dossier de financement, mais tu peux dire, attention, à côté de ça, ça fait 5 ans que je n'ai pas une seule journée sans contrat de travail, mais que je suis en intérim, la banque, ça va passer. Peut-être que ça va être un peu plus difficile. Mais d'une manière générale, ça va passer parce que ce que veut la banque, c'est voir sur ton compte des revenus fixes, plus ou moins fixes, plus ou moins. Voilà, si tu gagnes 2000 euros, ben que ce soit environ 2000 euros tous les mois, donc, et que ça tombe environ vers la fin du mois, vers le début du mois, à une date à peu près classique. La banque, c'est un établissement ancien, et noble et ancien, et qui veut, hein, qui reste avec certaines façons de voir les choses et de calculer. C'est assez classique. Si tu lui prouves que tu seras capable de rembourser par rapport à ses règles, ses calculs de risque, alors elle va te prêter. Pas besoin forcément d'être en CDI, mais plutôt d'avoir des revenus fixes qui tombent. Si tu es en intérim, si tu es en CDD, mais que tu multiplies les CDD parce que soit c'est parce que tu ne trouves pas, lui dis pas, dis-lui que c'est parce que c'est ton dada de faire des CDD parce que tu n'as pas envie au niveau de ton état d'esprit de te bloquer dans une société, mais qu'en fait tu peux justifier que ça fait 5 ans que tu as des fiches de paye. Et que tu, en fait, c'est ton lifestyle d'être en CDD, d'être en CDD, d'être en intérim ou autre chose encore. Je pense que tu n'as aucun problème pour avoir un prêt bancaire. Ça va passer. Donc voilà, c'est sûr qu'investir en CDI, c'est la voie royale. Investir sans CDI, c'est largement possible. Investir, si tu n'as aucune source d'entrée d'argent, juste ne le fais pas. Même s'il y en a qui vont te dire que tu peux bidouiller, tu peux faire tout ce que tu veux. On le sait tous qu'il y a des bidouilles et que tout est possible. Maintenant, est-ce que tu veux dormir sur tes deux oreilles? Est-ce que tu veux mettre ta famille en danger? Est-ce que tu veux mettre tes proches en danger? Est-ce que tu veux te mettre en danger? Non. Alors, si vraiment tu n'as pas de revenus qui rentrent, cette vidéo, elle est top. À la fin de cette vidéo, ce que tu fais, c'est que tu fais en sorte de te construire ces revenus fixes. Tu peux commencer par du salariat, pas même par un petit salaire. Il n'y a aucun problème. C'est ça qui va te permettre de faire la première marche et de pouvoir au fur et à mesure te remettre un profil carré, quelque chose qui va permettre de séduire les banques. Là, moi, je répondais principalement dans cette vidéo aux personnes qui sont en intérim ou qui multiplient les CDD. Oui, tu peux investir parce que tu es en étant en intérim. Il n'y a aucun problème. Il faut juste que tu enchaînes réellement des intérims et pas que tu fasses un mois d'intérim, 3 mois de break, un mois d'intérim, 3 mois de break. Parce que là, la banque, elle ne va pas aimer du tout. Si tu es régulier dans tes revenus, mais que tu es en intérim, c'est ton style, c'est ton lifestyle, c'est ton mode de vie, tu fais ce que tu veux, la banque, elle sera quand même rassurée. Donc voilà, cette rapide vidéo pour te montrer que oui, on peut investir sans CDI, c'est clair que tu vas pouvoir, il faut juste montrer à la banque, rassurer la banque. La banque, elle veut juste que tu lui payes son prêt tous les mois. Donc rassurer la banque que tu seras en mesure de payer parce que tu as des revenus qui rentrent régulièrement. Voilà, pour te remercier d'avoir vu cette vidéo, j'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif. De A à Z, je te propose de la télécharger gratuitement. Tu trouveras le lien au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu mets juste ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, mets-moi un gros like. Partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier. Fais savoir qu'Esprit Gagnant existe. Je suis là pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentable. Si la prochaine vidéo, je te dis juste, passe à l'action, bouge-toi, va faire des visites, va faire des offres. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Thank you.